life, love, peace, with equality. No. Spécial pour l'Orius, pour le Hot Light Shouting Sound. L'homme de Big Was Daddy. Je sais pas si tu sais ça, Hot Light Shaolin et Meda. Encore une fois, je sais pas si t'entends ça, mais ce soir il vient te killa. En mode guérilla, je sais pas si tu sais ça, Hot Light Shaolin et Meda. Encore une fois, je sais pas si t'entends ça, mais ce soir il vient te killa. On a beau te dire que c'est ainsi, on a beau te dire que ce soir tu joues ta vie et que tu vas rejoindre vite fait le paradis. Tu brûleras en enfer ton sang et ton possi, d'une monnaie d'échange contre un sang assassin. Ton chemin est bordé d'ombre, mais ce soir tu n'y peux rien. On allume le feu et on extermine tous les tiens. Dis-leur autour de toi qu'on a tué un sang païen. Je sais pas si tu sais ça, Hot Light Shaolin et Meda. Encore une fois, je sais pas si t'entends ça, mais ce soir ils viennent te killa. En mode guérilla, je sais pas si tu sais ça, Hot Light Shaolin et Meda. Encore une fois, je sais pas si t'entends ça, mais ce soir ils viennent te killa. Hey, Hot Light Shaolin Sound et Meda. Meilleur, j'ai bien peur qu'il soit petit. T'as beau jouer le rock, mais à présent t'es meurtri. T'as beau jouer le fier, mais en temps terre sans répit. Tu peux pas tester Hot Light Shaolin Sound, je l'avais dit. Tu peux pas tester. Tu peux pas lutter. Tu peux pas bluffer. Trace ta route où ils vont t'éliminer. Boum. Tu peux pas tester. Tu peux pas lutter. Tu peux pas clasher. Trace ta route où on va t'éliminer. Je sais pas si tu sais ça, Hot Light Shaolin.